ça ne peut avoir d'intérêt que si on montre concrètement sur un exemple ce que ça peut être. Donc, ce que je vais essayer de présenter là, c'est le voyage à partir des modèles qui sont développés en éthologie actuellement sur la culture, et d'essayer de réinjecter dedans de l'interactionnisme et de la sociologie pour voir où on peut aller, et notamment pour penser la relation interspécifique. Ce qui est compliqué, c'est de penser des relations humains-animaux, compliqué de penser des relations entre des êtres qui sont différents, comment ça s'ajuste, etc. Alors que, pour le dire très vite, il y a un trait qui est commun aux sciences sociales et aux sciences de la vie, je vais y revenir, notamment sur la culture, c'est que tout est pensé sur un mode de l'identité. Les gens qui ont la même culture, ils ont les mêmes représentations, ils pensent les mêmes choses, ils ont une identité d'ailleurs, et en sciences de la vie, c'est un peu pareil. Donc du coup, en éthologie, c'est pareil, c'est l'éthogramme qui définit l'espèce, c'est propre à une espèce, tout est pareil dans cette espèce, etc. Donc il y a beaucoup de mal à penser comment des êtres différents peuvent avoir des représentations, des pratiques, je ne sais pas comment dire, des normes peut-être, qui se stabilisent. Et l'idée un peu qu'il y a, enfin, je l'ai dit de façon très générale et de manière sociologique, c'est de déplacer les questions qui sont en termes d'identité, de déplacer vers des questions en termes d'ajustement. Parce que deux choses différentes peuvent s'ajuster l'une à l'autre, sans être identiques. Et c'est ce qu'on verra avec les humains et les chiens. À travers certains exemples. Alors, je reviens à ce que je disais. Le but, ce sera de partir ici de la définition de la culture qui est donnée en éthologie, actuellement, pour essayer de voir, à travers les lacunes que ces définitions laissent, comment ces lacunes imposent et permettent d'intégrer des choses qui relèvent des sciences sociales et donc de penser conceptuellement et aussi empiriquement les relations interspécifiques. Alors, je ne sais pas si les gens ne connaissent pas forcément ce que disent les sciences de la vie sur la culture. C'est pas la sociobiologie. Enfin, la sociobiologie, c'est très intéressant pour les animaux, pour les humains, c'est discutable. Mais il faut distinguer ce que disent les sciences de la vie sur les comportements sociaux et ce qu'elles disent sur les comportements culturels. Les comportements sociaux ne sont pas définis à partir de ce qui les fonde dans l'ontogenèse. Un comportement social est défini simplement parce que, alors, c'est jamais très très clair en éthologie. Il ne s'attarde pas beaucoup sur la définition, mais un comportement social, c'est un comportement qui bénéficie à autrui et qui bénéficie en général pas à celui qui a le comportement. Donc un comportement social, il peut être génétique, il peut être acquis aussi, mais il peut très bien être génétique, comme c'est le cas chez les fourmis, les abeilles, etc. La culture, c'est très différent. En éthologie, actuellement, la culture, elle est définie comme un comportement qui ne peut pas être génétique. C'est-à-dire que c'est un comportement. Je vais y revenir après dans le détail, mais correspond à la première définition qu'on voit là. La culture en éthologie est définie comme un trait, un comportement qui existe dans une population, mais qui est à travers des conduites en général, on ne parle pas beaucoup de représentation dans cette éthologie, mais qui, dont l'existence dans une population tient au fait qu'il s'est transmis dans cette population par social learning. C'est le mot qui est tout le temps employé. Et que donc, par conséquent, il n'a pas de base génétique, en tout cas innée au sens où il serait complètement programmé dans les conduites. Alors, ce qui est central ici, c'est le terme social learning qui n'est jamais beaucoup défini, mais qui va articuler toutes les idées que se font les éthologues de la culture. Alors, les exemples canoniques qui sont donnés, c'est ces fameux singes au Japon, à qui on a donné des patates douces, des éthologues ont donné des patates douces, il y en a une qui s'est mise à la nettoyer avant de la manger, et ils se sont rendus compte que cette pratique s'était diffusée dans sa famille au bout d'un an, puis après par cercle concentrique comme de l'imitation, ça s'était diffusé dans toute la troupe. Donc, c'est un exemple qui traduit en tout cas la manière dont ces éthologues conçoivent la culture, c'est un comportement qui n'est pas programmé génétiquement, c'est-à-dire qu'il y a plein de troupes de singes qui ne font pas ça. Là, il y en a une qui a innové, exactement comme on innove dans une société avec une nouvelle pratique, un nouveau bien. Et puis, par, ils vont dire imitation, mais là, le terme est beaucoup discuté, ça s'est répandu de proche en proche, ça suit des courbes en S, voilà, dans une population. Et donc, ils vont appeler ça, alors il y aura des débats, ils disent pas que c'est comme les cultures humaines, mais ils vont dire, voilà, il y a des phénomènes, au moins proto-culturels, ou des traditions comme ça qui naissent chez les animaux, et qu'on ne peut pas expliquer comme les comportements sociaux des fourmis, par une base innée qui serait automatiquement mise en route dans tous les individus de l'espèce. Donc depuis 30 ans, il y a beaucoup de recherches sur ce thème. On essaie de voir dans les espèces quels sont les types de comportements qui peuvent être qualifiés comme culturels. On a découvert beaucoup de choses, enfin ces éthologues ont découvert beaucoup de choses très différentes dans des espèces différentes, parce qu'il y a des, par exemple, il y a des champs d'oiseaux qui sont des variantes locales de ce type, qui se sont transmis comme ça, par, suivant ce social learning. Il y a également des routes préférentielles pour des migrations chez des poissons. Il y a des... alors chez les chimpanzés, il y a beaucoup de choses aussi, enfin chez les grands singes, dans des techniques pour extraire des termites d'un bout de bois. Alors il y a des troupes de singes qui nettoient les plaies des autres avec des feuilles, comme ça, donc, qu'on n'observe pas ailleurs, etc. Il y a des exemples comme ça qui se sont accumulés de comportements qui étaient de ce type. Alors, pour résumer, chez ces éthologues, qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant culturel? À quoi ils reconnaissent un trait culturel? C'est un trait qui n'est pas intégralement commandé par un gène, ou pas commandé par un gène, c'est-à-dire que les traits qui ne sont pas commandés par des gènes, de toute façon. L'autre critère important, c'est qu'il peut être présent dans certaines populations et pas dans d'autres. Ça, c'est important, parce que si, par exemple, on observe que des chimpanzés utilisent des bouts de bois pour enlever les termites dans des grands troncs, dans une troupe de chimpanzés, et qu'on n'observe pas la même chose dans une autre troupe, mais que en fait ces bouts de bois ne sont pas disponibles dans l'environnement, les éthologues vont dire que c'est pas de la culture, parce qu'ils ne le font pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas à disposition dans leur environnement écologique le matériel qui font ça. Là, c'est intéressant pour voir comment ils raisonnent, ces éthologues, pour ce que c'est pour eux la culture. Donc, ça, c'est un critère important. Ils n'aiment pas ce mot-là, les éthologues. Pourquoi ils se mettent à faire laver, par exemple, une jatte 12 Ils ne se posent pas, ils constatent, c'est descriptif pour, dans le premier temps. Parce qu'après, ces questions vont se poser, mais ils les posent sur la question de l'ontogénèse du comportement, etc. Là, ils se disent, il y a des différences. Comme on n'observe pas les mêmes choses dans les mêmes populations, ça ne doit pas être dû aux gènes, puisqu'ils ont les mêmes gènes. Comme ce n'est pas dû à des choses que certains auraient à leur disposition et d'autres pas, Donc on évacue la question d'intentionnalité. Ah, elle n'est pas posée en fait. Elle n'est pas posée. Elle revient par des... Mais elle n'est pas posée en fait. C'est l'éthologie, ils veulent être descriptifs, ils disent oh, ça ne s'intéresse pas, parce qu'il y aurait peut-être des animaux, parce qu'on ne sait pas. Voilà, c'est vraiment la méthode est comme ça. Et donc ça c'est un corollaire, hein, ce n'est pas une définition supérieure, c'est que l'idée c'est que ça doit se transmettre par social learning, c'est-à-dire que ce n'est pas chacun dans son coin qui va adopter la technique, comme ça pourrait être le cas si chacun trouve à sa disposition ses petits bouts de bois pour aller... C'est qu'un individu doit le transmettre à un autre. Donc la transmission, ça doit être un phénomène social et pas individuel. Ce n'est pas l'individu qui trouve la technique tout seul, ça doit être transmis par un autre individu, avec un individu qui a inventé. Donc en fait, autre corollaire, les individus sont reliés deux à deux dans la population. C'est-à-dire que... un individu l'a appris d'un autre, donc il y a une chaîne de transmission qui va d'un individu à l'autre, et ainsi de suite dans la population. Ça suit donc des courbes en S, des phénomènes de diffusion classiques, hein, par imitation. Ça, c'est un corollaire aussi du social learning. Et surtout, et ça c'est une autre propriété importante, j'y reviendrai, lorsqu'un individu possède le trait dans une population, ça augmente la probabilité qu'un autre individu l'ait. Alors pourquoi c'est important ça? Parce que faut bien comprendre la différence entre ce qu'ils appellent individual learning et social learning. J'ai déjà dit un petit peu. Individual learning, c'est chaque individu acquiert le trait de son côté. Donc c'est des traits qui ne sont pas génétiques, les traits d'individual learning, parce qu'ils sont acquis, mais ils ne sont pas acquis socialement. Chacun l'intègre. Et pourquoi les éthologues veulent différencier ça de social learning? Parce que pour eux, individual learning, c'est moins culturel, d'abord parce que ce n'est pas social. Et aussi parce que ça ressemble à d'autres choses qui ne sont pas comportementales et qui sont assez triviales en biologie, qui sont le fait que des plantes, par exemple, peuvent différer les unes des autres simplement parce qu'elles ne vivent pas dans le même sol. Par exemple, les hortensias n'ont pas la même couleur s'ils vivent dans un sol avec des ardoises ou un sol sans ardoises. Il y en a qui sont roses et d'autres bleues. Donc en fait, c'est des différences qui ne sont pas génétiques à la base, mais qui sont acquises par les individus. Et donc, qui veulent séparer de ces autres propriétés plus complexes qui sont acquises parce qu'il y a des contacts individuels à l'intérieur de la société. Et qui donc, qui rapprochent, parce que cette question est toujours en toile de fond, des questions qu'on se pose sur la naissance de la culture humaine aussi. D'où ça vient? Est-ce que c'est ancré sur des protocultures chez les animaux? un hortensia ou un trait acquis individuellement, le fait qu'un individu le possède dans la population n'augmente pas la probabilité qu'un autre individu le possède. En revanche, quand quelqu'un a un trait qui est acquis par social learning, ça va augmenter, puisque si quelqu'un rentre en contact avec lui, il a plus de chances, plus il y a d'individus dans la population, plus il y a de chances qu'un individu soit converti. Donc c'est pour ça que c'est un corollaire aussi, mais c'est une conséquence de ce que j'ai dit avant. Alors, ce que je voudrais essayer de montrer là, dans ce modèle peut-être un peu bizarre, c'est de montrer donc qu'un nombre important de traits respecte ces différentes propriétés chez les animaux, mais aussi chez l'homme d'ailleurs, sans avoir été considéré comme culturel par ces éthologues. Alors je ne fais pas ça en freelance tout seul dans mon coin, je vais travailler avec un primatologue sérieux. Mais c'est peut-être quand même absurde. Hein. Je vous laisserai juger. Voilà. Donc l'idée c'est que l'oubli en fait de ces traits dont je vais parler, ils tiennent à certaines de leurs particularités, dont on pourrait dire qu'elle est la suivante, c'est-à-dire qu'ils se transmettent par un apprentissage qui est certes social, mais qui est indirect. Et il y a une propriété très particulière, ceux qui les transmettent, ces traits, ne les possèdent pas, et ceux qui les possèdent ne les transmettent pas. Et tenir compte de cette propriété est très importante pour essayer de comprendre, y compris dans un point de vue darwinien, éthologique, mais aussi en sciences sociales, les relations entre humains et animaux, et plus généralement les relations entre des êtres différents. Comment il peut y avoir des choses qui ne sont pas génétiques, qui sont acquises, mais en même temps, qui ne relèvent pas de ce principe d'identité dont je parlais au début. Alors, pour donner un exemple de ce que ça peut vouloir dire, je vais prendre les chiens, qui sont un excellent sujet de ce point de vue. Chez les chiens, il y a une immense variété morphologique, physiologique et comportementale. Il n'y a sans doute pas d'espèce vivante où il y a autant de variétés morphologiques et comportementales. Si on regarde ne serait-ce que les dimensions, entre un chien les plus petits et les plus grands, il y a un rapport de 1 à 80 à peu près. Donc imaginez ce que ça voudrait dire chez les humains, s'il y avait des humains qui faisaient 10 kg et d'autres 800. Ce serait un peu curieux. Et il n'y a pas beaucoup d'espèces où c'est le cas. Il y a une grande, très très grande variété de comportements. Non, mais il y a des chiens d'un kilo cinq, et donc des chiens de 100 kilos. Donc, si tu fais le rapport, mais ce serait très bizarre dans nos sociétés. Hein. Nous, les humains, on est quand même très très. Et comportementalement, c'est assez varié. Alors, il y a des différences comportementales chez les. C'est très Et donc voilà. Donc ça, c'est des banalités parce que tous les gens ont pu le constater. D'ailleurs, quand on a des chiens, on peut le constater sans différence. Alors évidemment, il y a des différences. Et là, je rentre dans les critères éthologiques qui sont liés aux gènes. C'est-à-dire qu'il y a des différences même entre races de chiens, même si les races, c'est quelque chose qui n'est pas clair du tout. Il y a des choses qui sont génétiques. On a essayé de dresser des caniches qui étaient à la base des races qui étaient faites pour chasser dans les terriers, comme des labradors ou des border collies. On les a dressés pour essayer de... Les éthologues ont fait ça. Pour se comporter comme des chiens qui ramènent, c'est-à-dire les retrievers, labrador, border collie, oui, qui ramènent des choses qu'on leur lance, de manière un petit peu répétitive quelquefois. Et ça n'a pas bien marché, en fait. Ils ramenaient moins, ils étaient moins intéressés. Pourtant, on a essayé de les dresser de la même façon. Et réciproquement, les border collie et les labradors se sont révélés des très mauvais chasseurs de terriers, de très mauvais caniches, en fait. Et donc, il y a visiblement des choses qui différencient ces populations canines qui tiennent aux gènes. Donc évidemment, il n'est pas du tout question d'expliquer la variété morphologique, physiologique et comportementale des chiens à partir des différences simplement qui seraient dues à quelque chose de culturel. Il y en a qui sont génétiques. Mais évidemment, il y a une grande variété de différences comportementales entre les chiens qui tiennent à un autre facteur, c'est leur proximité avec les humains. Déjà, dans une société comme la société française, il y a beaucoup de différences qui tiennent aux différences entre classes sociales et aux rapports qu'elles ont avec les animaux. Et les chiens en particulier. Et les chiens sont intéressants là-dessus parce que le chien peut être l'ami d'un écologiste bio, etc., qui va le traiter d'une manière extrêmement, conformément à ce qu'il pense que ça doit être un animal. Et puis il y a les chasseurs ou dans les campagnes qui vont avoir des comportements un peu plus rudes avec eux. Bon, les écologistes et les chasseurs ne s'entendent pas du tout, mais en même temps ils se retrouvent sur la manière, pas sur la manière d'interagir avec cet animal, mais cet animal trouve son compte auprès des écologistes et des chasseurs. Et ça fait des chiens eux-mêmes qui ont des psychologies très différentes. Ça, j'aimerais... La même espèce de chien, un chien peut servir Oui, elle peut à la fois être, avoir comme maître un chasseur et un écolo, c'est ça que... C'est des gens qui ne s'entendent pas très bien, qui sont assez différents souvent, et donc ça a été étudié un peu dans les classes sociales, d'ailleurs ça, les comportements sont assez différents, et ça produit des individus canins qui ont des psychologies vraiment très très différentes. Même des distances, des manières de vivre, des relations qui sont extrêmement différentes. Et ça évolue dans le temps, évidemment. Bon, ça, c'est assez banal, hein, mais c'est tellement banal, souvent, les choses chez les chiens, qu'on a du mal à les faire valoir comme argument. C'est ça qui est assez étrange. Alors que si on regarde ça de l'extérieur en éthologue, il y a une variété comportementale qui est extrêmement, extrêmement grande. J'ai observé ça aussi donc, au Maroc sur les chiens de... errants, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, enfin, il n'y en a pas du tout en France d'ailleurs, ils ont une psychologie vraiment, en France de l'éthologie, mais qui est très différente. Et c'est pas facile d'interagir avec eux quand on est calé sur des interactions avec des chiens de compagnie, parce qu'ils ne regardent pas beaucoup. Et la distance est beaucoup plus grande. Et puis évidemment, quand on lève la main à un chien de compagnie, il va venir, il va la lécher. Les chiens errants, quand on lève la main pour eux, c'est quelque chose qui menace, qui jette des pierres. Donc ils vont fuir. Donc ça fait des interactions qui sont... D'ailleurs, c'est intéressant de voir avec les touristes ce que ça fait comme interaction, qui sont assez, assez complexes, en fait, et qui montrent aussi donc que la base psychologique, au sens très large, hein, de ces chiens n'est pas pareille dans d'autres environnements culturels humains. Donc, les différences entre psychologie canine, si je puis me risquer à donner cette expression, sont énormes aussi pour cette raison, c'est-à-dire pas simplement pour des raisons génétiques ou de race, mais parce que le contact avec les êtres humains et les différences sociales et culturelles entre ces êtres humains a une conséquence non seulement sur les interactions avec les chiens, les attentes réciproques, mais aussi finalement sur la psychologie des chiens, parce qu'ils vivent dans cet environnement avec des humains qui sont très très différents les uns des autres. Alors, une question bizarre, pourquoi ces traits des chiens, ils ne sont jamais considérés comme culturels par les éthologues? Pourquoi est-ce que cette extraordinaire variété de comportement ne pourrait pas être considérée comme culturelle au sens des éthologues en tout cas? Je ne dis pas au sens des humains, là, je ne suis pas en train de dire ça. Mais pourquoi, si on parle d'éthologie, pourquoi il ne les considérait pas comme culturels? Par exemple, s'asseoir lorsqu'un humain dit assis ou dormir dans une niche, évidemment on peut dire que c'est des traits culturels humains, mais pourquoi ne pas dire que c'est des traits culturels des chiens au sens de l'éthologie? Alors, je vais reprendre toutes les propriétés, et on peut se rendre compte qu'en fait, ces traits respectent toutes les propriétés que j'ai données auparavant. D'abord, si on prend assis ou dormir dans une niche, on pourra en avoir d'autres, hein, des un peu plus élaborés, c'est un peu trivial, c'est pas commandé par des gènes, il y a des chiens qui ne font pas du tout. Et c'est quelque chose en plus qui peut varier suivant les langues, l'ordre varie, même si c'est un chien qui acquiert assez vite ça, visiblement, mais il faut peut-être qu'il y ait une base sociale assez solide avec un humain déjà, ça, tous les chiens ne font pas ça. Donc il respecte la propriété 1, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement commandé par un gène. Deuxièmement, il est répandu dans certaines populations de chiens vivant près d'humains et absent dans d'autres. Le chien errant, d'abord il faut les approcher, mais c'est très compliqué de les faire s'asseoir. J'ai passé un petit peu de temps à faire ça, c'est un petit peu bizarre, je vous le concède, mais à rencontrer des chiens errants à Essaouira et à leur dire assis comme ça, filmer ça et ils ne s'assoient pas. Même si ceux qui sont... je l'ai fait en arabe, bien sûr, parce que c'est la question que tout le monde se pose, et même en berbère, j'ai peut-être pas un bon accent, alors je ne sais pas si c'était peut-être ça. Voilà. Faudrait contrôler tout ça pour faire ça sérieusement, évidemment. Alors... on en vient à la question plus importante. C'est peut-être là, évidemment, la raison pour laquelle les éthologues n'ont pas considéré ça comme culturel, c'est comment ce trait est-il appris par un chien? Alors évidemment, et c'est la raison pour laquelle ils ne l'ont pas considéré comme culturel, il n'est pas transmis de chien à chien. Et pour les éthologues, c'est la transmission doit être, en général par imitation, d'ailleurs, c'est le summum de la transmission culturelle qui a été développée chez l'être humain à un point qu'on n'a jamais observé chez les autres espèces, parce que l'être humain a la théorie de l'esprit qui fait que, par ce jeu de se mettre à la place de l'autre, on peut l'imiter, etc. Donc, ce n'est pas considéré pour cette raison, parce qu'il n'y aurait pas de social learning de chien à chien, comme culturel. Mais, si on regarde bien, la transmission de ce trait, l'acquisition du trait « je m'assois quand un humain me dit assis » ou « je dors dans une niche », n'est pas le résultat d'un apprentissage individuel non plus. Parce que c'est le résultat d'un processus d'apprentissage social, et les éthologues même donnent ce nom, Mais simplement, cet apprentissage social n'est pas entre chiens, il est d'un humain vers un chien. Mais il y a une base sociale extrêmement forte dans l'acquisition par les chiens de ce trait. Il faut des interactions sociales extrêmement soutenues avec un humain pour que les chiens puissent l'acquérir. Donc, certes, ce n'est pas une transmission par social learning entre individus de la même espèce, mais ces comportements sont le produit, malgré tout, d'un apprentissage qui est un apprentissage social. Et c'est comme ça qu'il est appelé par les éthologues. Donc, c'est bien, si je reprends la définition qui est donnée par un éthologue qui travaille sur cette question, un apprentissage qui est influencé par une interaction avec un autre animal. Sauf qu'ici, c'est un humain. Il est différent. Donc, il respecte bien les propriétés 3 et 4. Ce trait est acquis socialement et il n'est pas donc le produit d'un apprentissage individuel. En ce sens-là. Si je prends les autres propriétés, les chiens sont liés deux à deux par une chaîne qu'on peut reconstituer. C'est-à-dire qu'il y a un chien qui est relié à un autre chien via leur maître et les relations sociales qui les ont unis les uns aux autres. Donc, il y a vraiment un lien causal réel, au sens de Sperber, une chaîne causale qui va d'un chien vers un autre, mais en passant par les humains. C'est ça, c'est pour ça que je parlais de transmission indirecte. C'est parce que cette chaîne ne relie pas directement deux animaux l'un à l'autre, comme dans le cas de l'imitation. Mais le lien est indirect. Il passe par un humain. Mais chaque séquence de cette chaîne est éminemment sociale. C'est-à-dire que la chaîne qui va d'un maître à son chien est sociale, avec tout ce que, d'ailleurs, on pourrait aller assez loin, parce qu'il y a une dimension émotionnelle, etc., des interactions qui ont créé un lien entre le maître et son chien, entre les humains qui vont se passer l'information, tiens, c'est intéressant de faire ça au chien, par exemple, et puis entre le second humain qui va faire ça à son chien. Donc la chaîne qui unit les deux chiens, elle est certes pas directe, c'est pas de chien à chien, mais c'est une suite d'interactions sociales qui passent par des individus différents et qui les relient les uns aux autres. Donc ça respecte en ce sens, mais c'est le en ce sens qui est important, la propriété simple. Ensuite, c'est des courbes en S, ça c'est facile de comprendre pourquoi. Ça se répand dans les populations de chiens parce que simplement ça va se répandre dans les populations d'humains en S, la pratique qui consiste à faire ça aux chiens. Donc ça respecte aussi cette propriété formelle. Et dernier trait, qui est assez important parce qu'il distingue ça du mécanisme de l'apprentissage individuel de type Hortensia, comme je disais tout à l'heure, ou de type les singes ont à leur disposition des petits bouts de bois et donc chacun apprend individuellement les choses. Là, il y a une autre propriété que respectent ces cultures aussi, enfin je ne sais pas si vous les appelez comme ça, mais c'est trait, c'est que lorsqu'un chien le possède dans une population, la probabilité qu'un autre chien le possède l'augmente. Simplement parce que il y a des humains qui vont s'en saisir. Alors, j'espère que vous commencez à voir le truc, même si ça vous paraît un peu étrange. Mais si on y regarde de près, j'utilise aussi comme un contre-aidant, c'est-à-dire c'est essayer de voir à quoi il faudrait renoncer pour dire que ça, ce n'est pas des cultures. Et on voit bien qu'ici, il va falloir ajouter quelque chose. Si on veut dire que ça, ce n'est pas des cultures, il va falloir ajouter quelque chose à ces 7 propriétés parce qu'ils les respectent toutes. Et on pourrait, dans le cas des chiens, multiplier, je donne des exemples là, ce type de traits. Il y en a plein qui respectent, en ce sens, tous ces traits. On pourrait en trouver chez les singes aussi, d'ailleurs, parce que dans les endroits assez nombreux maintenant, enfin, j'ai vu ça depuis une période assez récente, mais dans le monde où ils interagissent avec des touristes, ils développent aussi des comportements qui ne sont pas transmis directement de singe à singe, encore qu'il y a un peu plus de processus d'imitation dans leur cas, mais ils volent, ils boivent à la bouteille, enfin j'en ai vu en Alsace, qui buvaient à la bouteille, ça, il y a d'autres troupes de singes qui ne font pas ça, je ne sais pas s'ils ont fait ça par imitation, mais en tout cas, c'est les contacts avec les humains qui leur font faire des choses comme ça. Donc la naissance de ces traits qui a une capacité sociale de ces animaux, une capacité d'apprentissage, mais qui n'est pas une capacité d'apprentissage, une capacité sociale avec les congénères. C'est ça qui est particulier et qui est totalement négligé en fait. Alors, est-ce que c'est une raison suffisante pour ne pas s'intéresser à ces comportements et ne pas les ranger du côté de la culture? Après c'est une question de mots, mais en tout cas, ça a un pouvoir dans l'acquisition de comportements nominés dans le monde vivant qui est extrêmement important. Je vais y revenir un peu plus précisément. Alors, quelles sont les objections possibles? Il y en a beaucoup, mais celles qui viendraient et qui nous sont venues, parce qu'on a demandé ça à des éthologues, évidemment, qui viennent à l'esprit comme ça spontanément à cette idée, c'est que finalement, ça ressemble au cas des hortensias, parce que des singes qui vivent dans des environnements différents. Là, ici, on a des chiens, ils vivent avec des humains qui sont différents, et donc chacun, avec le contact avec son humain, va acquérir quelque chose, et c'est pas culturel, parce qu'il n'y a rien de social là-dedans, etc. Sauf que, comme je le disais avant, c'est quand même social, cet apprentissage. C'est-à-dire que, même si c'est avec un humain, il y a une forte dimension sociale. Donc, ça veut dire que, si on ne veut pas considérer ça comme culturel, que le social n'est pas une condition nécessaire et suffisante pour expliquer, donc il va falloir préciser ce que ça veut dire social learning. J'irai même plus loin parce que là je vais commencer à essayer de voir comment on peut intégrer des arguments interactionnistes et sociologiques dans cette éthologie. Finalement, c'est peut-être même plus social que bien des processus que l'éthologie qualifie de social learning. Le social learning par excellence en éthologie, c'est l'imitation. L'imitation, telle que c'est défini, il y a très peu de social en fait dedans. C'est-à-dire que un individu peut en imiter un autre juste en l'observant de loin sans que l'autre sache. C'est-à-dire que si on y réfléchit, et c'est intéressant d'ailleurs pour les débats que les sciences sociales peuvent avoir avec des modèles comme ceux de Sperber, c'est-à-dire que le social disparaît au sens où c'est une compétence cognitive qui est capitale dans la culture, qui est celle de reproduire une information observée chez autrui. Et pour reproduire une information observée chez autrui, il n'y a aucune compétence sociale importante qui est nécessaire. Il suffit de pouvoir, c'est une compétence purement cognitive, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qu'il est en train de faire et pouvoir le refaire. Il n'est pas nécessaire même d'interagir avec lui, on peut être coincé dans un buisson, derrière, l'observer et refaire la chose. Alors que là, c'est vraiment la compétence sociale elle-même qui produit les différences, le comportement des chiens. À la limite, d'ailleurs, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir une compétence cognitive forte, il suffit simplement d'avoir des relations sociales fortes avec un humain qui vont démultiplier tous ces comportements. Donc en un sens, il me semble que ce social learning-là, il est plus social que l'imitation. C'est simplement une capacité psychologique individuelle à acquérir une information qu'on observe chez un autre. Alors, la deuxième raison, et je l'ai donnée avant, c'est que la grosse différence avec l'apprentissage individuel, tel que le définissent les éthologues, c'est que dans ce cas-là, la probabilité qu'un individu l'acquiert va augmenter dans une population quand d'autres individus l'ont déjà. Ce qui n'est pas le cas dans les processus d'apprentissage individuel. Alors, là je vais essayer d'être clair, parce que c'est une objection qu'on nous a faite récemment, mais on a cherché des arguments, je pense qu'on en a, mais je ne sais pas si je vais bien pouvoir l'expliquer. Il y a un primatologue qui nous a dit, oui, mais votre affaire, c'est drôle, mais c'est comme les silex, en fait. Un silex, ou une laitue, ben, il y a un humain qui en fait, donc il taille le silex. Et après, le silex répond bien, en quelque sorte, et finalement, il communique la technique à un autre humain, et l'autre humain va le refaire à un autre silex. Donc il y a des populations de silex, et votre affaire, ça consiste à dire qu'il y a des cultures chez les silex. Alors, je serais presque tenté de dire, à la limite, pourquoi pas, il y a peut-être pourquoi est-ce que ce modèle n'aurait pas une forme primitive dans les choses matérielles? Mais l'objection est quand même très intéressante. Alors, elle est intéressante parce qu'en retour, elle fait ressortir chez les éthologues qui argumentent là-dessus des choses qui sont un petit peu des points aveugles dans ce qu'ils disent. Parce que la grosse différence avec des silex ou des laitues, c'est que c'est des comportements. Donc c'est quand même pas pareil. Par ailleurs, c'est des comportements sociaux. Ça veut dire, en tout cas, c'est important pour ça, ça fait une différence. Si on considère que le fait d'être social, c'est pas important, ok, mais dans ce cas-là, ça veut dire que, encore une fois, le social, c'est pas ce qui est nécessaire et suffisant pour caractériser ses comportements. Et puis, cet argument, il me semble qu'il vaudrait aussi, si on considère qu'il vaut pour l'exemple qu'on donne, il vaudrait aussi pour le social learning direct, c'est-à-dire l'imitation. Donc on peut très bien dire, moi je trouvais l'exemple des dominos, la définition que ces éthologues se donnent de la transmission directe, c'est qu'il y a un trait qui est observé chez un individu et qui produit causalement, chez un autre individu, l'existence de ce trait. Alors, de deux choses l'une. Ou bien ce qui est important dans cette affaire, c'est que cette transmission soit sociale, auquel cas l'argument du SIDEX tombe, parce qu'on va dire, nous aussi, ce qui est important, c'est que c'est social. Si ce qui est important, c'est que c'est pas que ce soit social, moi, je peux répondre, des dominos posés les uns à côté des autres, si on en fait tomber un, on a un mouvement selon le comportement, il y a eu un mouvement d'ailleurs chez les éthologues, qui est communiqué causalement aux autres dominos, et dans une réaction causale en chaîne, et donc on a un mouvement qui se répète comme ça, qui est causalement produit par d'autres individus. Donc le modèle de la transmission directe, l'argument c'est de dire que le modèle de la transmission directe, si on ne veut pas considérer que ce qui est important c'est que ce sont des comportements et que c'est social, on peut aussi trouver des mécanismes physiques qui valent pour la définition que les éthologues donnent du comportement direct, donc ce n'est pas une objection. Il y avait une autre objection assez intéressante qui consistait à dire oui mais le chien il reçoit mais ça ne repart pas de lui. Et en fait, là aussi c'est intéressant parce que ça oblige les éthologues à clarifier ce qu'ils entendent par transmission, c'est-à-dire que là il y a vraiment une interaction, c'est-à-dire que l'humain aussi il a des représentations, si on veut raisonner en ces termes-là, qui sont produites par le fait que ça marche sur le chien et que ça va lui donner l'idée de transmettre ça à un autre humain. Donc on peut faire, s'ils veulent vraiment faire une chaîne causale, on peut faire un va-et-vient causal, interaction d'ailleurs c'est bien le terme qui convient pour ça, entre l'esprit de l'humain et celui du chien qui est modifié et après qui redescend jusqu'à un humain qui va communiquer à un autre humain, qui va redescendre sur un chien, etc. Et ainsi de suite. Donc voilà, et comme je l'ai dit aussi, il me semble que c'est plus social ici que les cas d'imitation qui reposent sur une compétence purement cognitive. Alors là, je vais utiliser un vocabulaire qui est un peu celui des évolutionnistes, donc en sciences sociales, ça fait toujours bizarre quand on l'emploie, donc je comprends que ça paraisse bizarre, même s'il peut être formulé en termes darwiniens de manière à ce qu'il ne soit pas ambigu du point de vue de ce dont il paraît chargé, c'est-à-dire d'une intentionnalité mal maîtrisée. Les biologistes actuellement ont tendance à parler de stratégie pour les gènes et pour les traits. Mais il ne faut pas y voir une forme de téléologie, en tout cas en application c'est moins clair, mais en théorie il n'y a pas de téléologie là-dedans, parce que ça peut être la téléologie peut être supprimée si on est bien clair sur le fait qu'il y a de la sélection naturelle derrière, et que c'est pas du tout... ils n'ont pas d'intention, etc. Bon, alors, en tout cas, ce qu'on pourrait presque dire, c'est que si vous avez vu ce mécanisme de transmission indirecte, qu'est-ce qui se passe? Si on prend le point de vue d'un trait, un trait, il a deux stratégies pour se répandre dans une population. La première stratégie, enfin en fait ce serait trois, parce qu'il y a la stratégie sélection naturelle. Donc, il y a des traits qui, dans certaines espèces, se répandent très bien, dans d'autres beaucoup moins, des traits codés génétiquement. Il y a une stratégie culturelle qui passe par la capacité de social learning, qui est très développée chez les humains. Et puis, il y a des traits passent par une autre chose, c'est-à-dire qu'ils mobilisent les relations sociales qu'ont les individus de l'espèce avec une espèce qui a une grande capacité de social learning, c'est-à-dire l'être humain. C'est-à-dire que du point de vue du trait qui voudrait se répandre, je remets tous les guillemets, dans une population, ça peut être une stratégie, une fois qu'il existe une espèce qui a des grandes capacités de social learning, de les utiliser pour se répandre à travers les relations sociales que cette espèce a avec l'autre. En l'occurrence, les chiens avec les humains, les chimpanzés avec les humains. Et en fait, ça rejoint des choses qu'il y a d'ailleurs, qui ont été synthétisées par Jared Diamond sur la domestication. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il existe une espèce avec une forte capacité à transmettre des choses socialement par la cognition chez l'être humain, il y a un coût finalement biologique à développer ses propres capacités chez d'autres espèces pour développer des stratégies culturelles, et c'est normal que des traits passent plutôt par ces compétences sociales et utilisent comme une sorte de disque dur externe l'être humain pour transmettre les traits. Donc c'est assez formalisable, c'est assez facile à formaliser en termes plus. C'est-à-dire que quand une espèce a développé des capacités culturelles comme l'être humain, les espèces qui vont lier des liens sociaux avec elles vont pouvoir elles-mêmes avoir des comportements extrêmement variés. Simplement, elles ne vont pas développer des capacités cognitives d'imitation. Ça va passer par ce cerveau extérieur qui est l'être humain. Alors ça fait un peu science-fiction ce que je raconte, mais c'est formalisable en termes évolutionnistes, dans des modèles bien carrés, il n'y a pas de souci. Et évidemment, après, on peut expliquer aussi, c'est là l'intérêt des modèles, c'est pas simplement de faire de la science-fiction ou des descriptions sympathiques, mais pas forcément pertinentes des choses. Enfin, si elles sont pertinentes, mais c'est des descriptions de choses qu'on sait déjà. Mais ça permet de comprendre des phénomènes aussi un peu mieux, de les voir différemment. On a compris notamment pourquoi les zèbres n'avaient pas réussi à être domestiqués comme les chevaux, un peu par des perspectives comme ça, c'est-à-dire en prenant le point de vue de l'animal, c'est-à-dire que ça ne rentrait pas dans le cadre éthologique des possibilités écologiques du zèbre, en fait, le fait de pouvoir être domestiqué avec les loups. C'est pareil, si on veut la diffusion de hassis dans une espèce comme les loups, c'est pas possible. C'est impossible, parce que les capacités sociales avec les humains sont très très faibles chez les loups, parce qu'ils ont déjà suffisamment à faire dans leur propre population. C'est des animaux qui sont très différents des chiens de ce point de vue-là. Il y a un spécialiste des chiens qui a essayé de dresser des chiens, des loups, pour faire du traîneau, c'était une catastrophe. Parce que les chiens sont des animaux moins sociaux, enfin moins, disons, qui vivent. C'est beaucoup moins des animaux de meute que les loups, donc c'est beaucoup plus facile de les faire cohabiter les uns avec les autres, de ce point de vue-là. Alors, voilà, si on veut adopter ce vocabulaire darwinien, mais que je retrace assez mal ici et qui est assez usuel dans cette éthologie, c'est que la transmission indirecte pourrait apparaître comme une seconde stratégie pour un trait pour se diffuser culturellement dans des populations. Voilà, donc voilà le schéma pas très précis, assez laconique qu'on peut faire pour lasser c'est les chiens et l'être humain. Vous voyez, la chaîne de transmission, elle se ferait comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un humain 1 qui apprend quelque chose à un chien, et soit la vue de ce chien ou le contact avec cet humain produit la volonté de le faire. Donc on a aussi une culture qui se développe chez les humains, parallèlement. C'est ça qui est assez intéressant, c'est des êtres très différents, mais à travers les interactions, on va avoir des comportements, sans d'ailleurs qu'il n'est pas nécessaire que les gens se comprennent, hein. C'est pour, enfin que les chiens et l'humain se comprennent, peut-être qu'il y a des malentendus totaux, on ne sait pas du tout ce qui se passe, mais ça colle, quoi, en quelque sorte, j'y reviendrai. C'est ajusté interactionnellement, c'est ça qui est important. Donc les compétences sociales, c'est là où petit à petit le social arrive, sont capitales pour comprendre ces phénomènes. Alors, qu'est-ce qui est important également avec les traits classiquement évoqués? Et ça, c'est une chose qu'on essaye de creuser, c'est qu'ils diffèrent, pas seulement parce que c'est indirect, pas seulement parce que les individus sont des espèces différentes, mais parce que le mécanisme de social learning qui est mobilisé est très différent de celui qui est généralement pris en compte en éthologie, mais je crois aussi en sciences sociales. Il y a une espèce d'intérêt un peu trop important pour l'imitation, en fait, y compris en sciences sociales, dans les mécanismes de diffusion. C'est une psychologisation des phénomènes collectifs. On connaît les initiateurs en sciences sociales à partir de Tarde. Et ça a des effets parce que tout processus de diffusion est toujours pensé sur le mode de la répétition du même, d'un individu à un autre, y compris quand c'est vertical d'ailleurs, sous l'effet du pouvoir, mais j'y reviendrai. Et c'est rarement compris comme un effet réel d'interaction sociale. C'est-à-dire que même quand il y a des interactions sociales, l'interaction sociale c'est quelque chose qui va faciliter l'imitation, qui va faciliter la fascination, qui va faciliter le transfert d'une information qui sera la même dans les deux cas. Or, ce qui est intéressant dans ces phénomènes-là, c'est que ça attire l'attention, au moins, même si c'est peut-être complètement farfelu, ça attire l'attention sur quelque chose, si au moins c'est fait, c'est déjà pas mal, c'est que l'acquisition d'un trait A, une représentation, une information, une capacité d'action par quelqu'un qui la reçoit, le chien, c'est un effet de ses interactions avec les humains, et non un passage d'une information qui serait la même du chien à l'humain. C'est très différent l'imitation parce que dans ce cas-là, on produit des traits chez un individu qu'on ne possède pas et même qu'on ne saurait pas faire. Un chasseur qui entraîne son chien à chasser et à suivre une piste au sang, il ne sait pas le faire, lui. Donc il ne transmet pas un savoir qu'il sait faire à un individu à travers une démonstration ou une imitation. Mais il produit quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage qui est ici social, mais qui ne se réduit pas du tout et qui ne consiste pas du tout au passage d'une information d'un individu qui serait la même chez un autre individu. Et alors, pour le dire autrement, c'est pour ça qu'il y avait faire dans le titre, mais qui n'est pas à prendre en un sens latourien ici. Enfin, peut-être qu'il y aurait des liens à faire, mais directement, c'est pas la même chose, parce qu'il est question clairement de représentation et de cognition. Il n'est pas nécessaire de savoir faire quelque chose pour le faire à quelqu'un. Et le savoir faire, c'est pas le savoir faire. J'espère que je suis. Mais les bons pédagogues le savent d'ailleurs. Hein, c'est pas forcément les meilleurs entraîneurs de football qui ont été les meilleurs joueurs. Réciproquement, il y a des exemples célèbres actuellement comme José Mourinho ou Giroud. Donc c'est évidemment faut une forme de compétence, mais ça n'est pas l'apprentissage. Ça n'est pas quelque chose. Ça paraît évident en fait quand on le dit. Je pense que c'est une banalité, mais dans tous ces modèles, ça finit par disparaître. C'est-à-dire que l'apprentissage, ce n'est pas une représentation qu'un individu constate ou une capacité d'action cognitive qui va passer à l'identique dans une tête. Et avec les chiens, si on part de ça, on ne comprend rien. Parce que souvent, ce qu'on fait faire aux chiens, et qui a une forme de stabilité et de constance dans les populations canines, et en ce sens, ça ressemble beaucoup aux cultures, ça ne procède pas du tout comme ça, ça n'apparaît pas du tout comme ça. Donc, ça n'apparaît pas comme ça, parce qu'ici, on tient compte du fait que c'est un produit d'interaction. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent des deux côtés, mais ce n'est pas une information qui passe, ce sont des effets d'interaction et pas des transferts d'informations par imitation. Donc, l'idée, c'est qu'il, bon, de tenir compte du fait qu'il n'est pas nécessaire de savoir faire parfaitement, d'ailleurs, un peu peut-être, mais de ne pas savoir faire pour transmettre, et il n'est pas nécessaire de savoir imiter pour acquérir. C'est-à-dire que les chiens, ils sont nuls en imitation. Ils n'imitent pas le maître. Aucun maître n'a appris à son chien à s'asseoir en disant « assis » en s'asseyant devant lui. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marcherait pas, d'ailleurs, du tout. Donc, ça, c'est important. C'est des mécanismes intéressants parce qu'ils montrent qu'il n'est pas nécessaire de savoir faire pour transmettre, donc du côté de celui qui est maître, et il n'est pas nécessaire de savoir imiter pour acquérir. Donc, ce sont des phénomènes qui ont peut-être été un peu oubliés parce qu'ils échappent complètement à cette histoire d'imitation. Alors, j'insiste aussi sur une chose, c'est, mais alors là, je m'aventure, je ne sais pas du tout, c'est peut-être n'importe quoi, que ça peut valoir aussi à l'intérieur de l'espèce humaine. Alors, j'avais pensé, donc avec le collègue, Nicolas Clédière, qui donc lui est primatologue, au biberon. Le biberon, c'est culturel. Donc, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit quelque chose de très précis. C'est vrai que c'est une culture des parents qui donnent le biberon à leur enfant, mais si on prend la population des bébés, c'est une culture chez les bébés, en quelque sorte, aussi. Enfin, et si on voit ce que ça voudrait dire d'aller jusque-là. Si on considère ça comme une culture, c'est exactement le même phénomène qu'avec, excusez de la comparaison, avec les chiens. C'est-à-dire qu'on a un phénomène à travers lequel les individus qui transmettent, les parents, sont différents de ceux qui reçoivent. Enfin, c'est des êtres humains, mais ils ont des différences, que tout le monde peut constater. Les parents apprennent ça à l'enfant, pas du tout en lui montrant, en buvant le biberon devant lui, et pour qu'il le fasse après, puisque le bébé, en plus, n'a pas la capacité d'imitation. Donc, ils lui font faire. Et des parents ont fait faire ça sans l'avoir jamais fait eux-mêmes d'ailleurs. Il y a une génération qui a passé ce pas, certainement, il y a quelque temps. Donc, c'est peut-être des gens qui l'ont jamais fait, qui l'ont fait faire aux enfants sans qu'eux-mêmes le fassent. Les enfants, les bébés l'ont acquis sans, pas par un processus d'imitation, mais à travers une interaction. Et ils ne se sont pas imités entre eux, les bébés. Et ça s'est passé, après, dans les populations de parents, par apprentissage. Et là, c'est effectivement la capacité classique de social learning à l'intérieur de l'espèce humaine par imitation, diffusion, qui est sollicitée. Mais le phénomène est assez semblable. Donc, voilà, la question, c'est ces phénomènes-là, alors on peut ne pas avoir envie de les appeler culturels, mais souvent, on n'en parle pas. Parce que la culture, c'est ce qui est identique dans un groupe et que les gens se transmettent. Et là, c'est bizarre parce que ça a tous les atours de la culture, mais il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Ceux qui transmettent, c'est ce que j'avais dit au début, ne pratiquent pas, et ceux qui pratiquent ne transmettent pas. Mais tout ça naît ce sont des phénomènes qui sont acquis, qui sont très variables suivant les groupes, et qui naissent de compétences sociales, mais au sens fort cette fois. C'est-à-dire que c'est des effets directs des interactions, et qui ne passent pas par forcément des compétences cognitives extrêmement développées. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut s'en tenir, c'est peut-être une question de mots finalement, pour comprendre les phénomènes qui se déroulent dans les sociétés humaines et animales en partant de la biologie comme c'est de faire. Est-ce qu'il faut s'en tenir, vouloir dire non, la culture c'est réservé à l'imitation parce que c'est un phénomène psychologique compliqué qu'on trouve que chez l'être humain, il y a la faculté symbolique, etc. On peut faire ce choix, mais c'est un choix un peu lexical et on peut s'intéresser aussi, dire finalement il y a quelque chose qui est transversal, qui ne suppose pas des compétences psychologiques extrêmement compliquées, simplement des compétences sociales et qui démultiplie des tas de comportements dans des groupes. Après, c'est une question de mots. Moi, ça ne me dérange pas qu'on n'appelle pas ça culturel. Mais c'est intéressant d'en tenir compte comme phénomène d'un type particulier. Si on voulait aller encore plus loin, on pourrait dire que les phénomènes qui sont liés au pouvoir sont de ce type-là. C'est-à-dire que souvent, dans les phénomènes de pouvoir, il y a des gens qui ont des formes de comportements qui leur sont communs, peut-être des cultures en un sens, au sens où ce n'est pas inné non plus, mais qui existent sous l'effet de la contrainte. Alors évidemment, là, je pousse très loin l'exemple, il ne faudrait sans doute pas aller jusque-là, mais des gens qui cassent des pierres dans un pénitencier, je sais pas, c'est pas inné. Bon, c'est pas non plus des choses qui se transmettent l'un à l'autre par imitation. C'est les faits des relations sociales qu'ils entretiennent avec ceux qui sont dehors et qui leur font faire ça. Donc il y a des phénomènes comme ça qui vont peut-être, alors c'est peut-être trop large, qui vont de la contrainte physique jusqu'à l'apprentissage, le fait simplement de l'apprentissage pédagogique, consenti par celui qui apprend, etc., qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Alors ça, c'est encore un programmatique, mais en regardant des gens qui apprennent à jouer au tennis, par exemple, si j'avais essayé de compter celui quantitatif vraiment d'amateur et qui ne veut rien dire, hein, mais c'est juste pour se faire une idée, les moments finalement où il y a, même dans des phénomènes qu'on qualifierait de transmission d'une information d'une tête à une autre chez des humains, il y a assez peu de moments en fait d'imitation ou de démonstration. Il y a des moments qui sont plus des moments où on fait faire la chose à la personne par des contraintes, en poussant le bras, en lui guidant son corps, qui ne sont pas des mécanismes de transmission d'informations par imitation, qui sont des mécanismes de guidage, de contraintes. C'est l'interaction qui est importante ici, et c'est le fait de faire faire quelque chose à quelqu'un. Donc, même dans ces phénomènes d'apprentissage-là, ce n'est pas sûr que ce soit l'idée d'une information qui passe d'un cerveau à un autre par réplication. Parce que c'est quand même toujours ce schéma qu'il y a derrière, chez beaucoup de psychologues et sur les théories de la culture qui en viennent. Donc, troisième point, là, c'est ce que j'ai dit, ceux qui manifestent ces traits ne le transmettent pas, c'est la particularité de ces traits, et ceux qui les transmettent ne les manifestent pas. Alors, là, je vais passer plus vite là. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été considérés comme culturels? Parce que c'est une question qui est intéressante. Il y a peut-être des bonnes raisons, mais encore une fois, la querelle est peut-être lexicale. C'est qu'il y a cette histoire d'identité qui traîne en psychologie et peut-être même en anthropologie sur la culture. C'est-à-dire que la culture, c'est quelque chose, c'est l'identité, c'est des choses qui passent d'un individu à l'autre, c'est l'imitation, etc. Et ce que je trouve étonnant, y compris chez Tarte d'ailleurs, y compris avec les personnes avec qui on a discuté, des éthologues de cette question, c'est que même dans les cas de pouvoir, qui sont considérés comme des phénomènes culturels liés au pouvoir, alors souvent c'est le leader en psychologie qui influence les autres. Ce qui est assez frappant, c'est que, enfin à ma connaissance, mais bon, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas chez Tarte, c'est sûr, on ne prend en considération les phénomènes culturels et de diffusion qui sont liés au pouvoir simplement quand les personnes imitent le leader. Or, l'une des conséquences du pouvoir du leader politique ou du chanteur qui a des fans, c'est, d'accord, que les gens l'imitent, mais c'est aussi qu'il fait faire des choses que lui ne veut pas faire ou qu'il ne fait pas. Je prends un exemple très trivial, un chanteur, il peut faire que des groupies lui écrivent des lettres d'amour, mais lui, il ne va pas s'écrire une lettre d'amour à lui-même, ils vont se tatouer. C'est-à-dire que, j'avais un autre exemple, mais qui est d'un type très différent, Hitler, il ne faisait pas une sabinesse, il faisait comme ça, je crois, à ma connaissance. Donc il y a des phénomènes qui sont des phénomènes de diffusion d'une chose que fait le leader vers ses disciples, ses fans, etc. Et c'est seulement ce cas de figure qui est pris en compte dans les phénomènes de diffusion à partir des leaders dans les théories de la communication et de l'imitation. Il y a plein d'autres choses, en fait, dans ces mécanismes de pouvoir qui sont précisément des choses essentielles dans le pouvoir, c'est-à-dire que ceux qui le subissent font des choses, en général d'ailleurs pour celui qui a le pouvoir, et que celui qui a le pouvoir ne ferait pas. Et qui sont donc des effets, en un sens culturel, je pense, du pouvoir, mais qui ne sont pas des phénomènes de transmission d'une information, d'une conduite, d'une personne à une autre. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi le fait qui peut expliquer pourquoi on n'en a pas tenu compte, en tout cas en ces termes-là, que les individus qui partagent une culture appartiennent à la même espèce. Alors ça, en éthologie, c'est assez fort. Et l'éthologie a quelque chose de très fort, c'est-à-dire que les individus de la même espèce, on essaie de délimiter l'éthogramme de l'espèce, et après c'est commun à tous les animaux de l'espèce. Et ils ont beaucoup de mal, pour cette raison, à penser des liens avec des êtres différents, qui tient aussi à leur psychologisation, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même chose dans la tête, donc avec un humain ça ne va pas aller parce qu'ils ne vont pas avoir la même chose dans la tête, donc ils ne vont pas se comprendre. Mais c'est peut-être pas du tout essentiel de se comprendre pour qu'il se passe quelque chose. Avec un chien, ça marche, quoi, avant de savoir. Enfin, on a des idées sur les raisons pour lesquelles ça marche, mais c'est d'abord un ajustement pratique qui est réel, qui est très réel, mais qui repose peut-être sur des malentendus, mais avec les humains aussi. Hein. Moi, je ne sais pas ce que ça fait d'être Napoléon ou Zidane. Quoi. Je ne sais pas forcément plus ce que ça fait d'être mon chien. Voilà. Donc, mais, enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais voilà, ça marche d'abord, et après, on se pose la question. C'est très fort en éthologie, et d'un point de vue purement éthologique, c'est aussi le signe que l'éthologie n'est pas devenue darwinienne là-dessus, parce que le darwinisme a rompu avec cette idée d'espèce essentialiste du point de vue biologique. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est le point le plus important, c'est pas l'homme descend du singe, c'est vraiment casser cette notion essentialiste de l'espèce pour avoir une définition basée sur des traits individuels. Sans bord très clair, etc. Et il faudrait peut-être faire la même chose pour l'espèce. Autre raison qui explique. C'est presque fini. Ah, d'accord. Voilà. J'en ai fini pratiquement. C'est presque la conclusion. Voilà. Okay. Encore 2 minutes et c'est bon. Et l'autre raison, c'est que il y a cette idée qui est d'ailleurs rediffusée dans les théories de la communication, qu'un individu qui est émetteur, il doit être récepteur et qu'un récepteur doit être émetteur. Pourquoi a priori, il n'y a pas de raison de limiter à ça. Donc voilà, toutes ces raisons font que ces phénomènes ont été exclus du champ de la culture et par conséquent ont été moins étudiés que d'autres. Donc là, j'ai fait un petit schéma qui montre que voilà, si on étend les propriétés telles qu'elles sont définies au début, on a des choses plus larges que ce à quoi se restreint l'éthologie. Donc en gros, j'ai déjà dit à peu près tout ce que je voulais dire. Le point qui rassemble tout ça, et qui sera une manière de le présenter, mais qui est un peu molle, dit comme ça, c'est que quand on adopte cette perspective qui insuffle de l'interaction dans les théories de la culture qui sont écartelées entre de la psychologie et de la culture au sens quelque chose qui plane un petit peu au-dessus des individus, ce qui devient très important pour comprendre ce qui se passe dans la tête des individus au-delà de ce qui commande leur gène, c'est plus qu'ils soient identiques, mais c'est comment ils peuvent s'ajuster l'un à l'autre et comment ils peuvent produire des effets l'un sur l'autre qui sont relativement stables et qui donne lieu donc à l'existence dans des populations de choses relativement stables et qu'à ce titre on peut peut-être appeler culturelles. Et ce qui est important là, c'est que des êtres peuvent être ajustés en étant très différents. Bon, un exemple vraiment très bête, une clé et une serrure, c'est ajusté, mais ça n'a pas du tout la même forme. Et ça produit des effets sociaux extrêmement importants. Et ça permet aussi, alors je ne vais pas aller trop loin dedans, de réintroduire un thème qui est singulièrement absent des perspectives évolutionnistes, contrairement à ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est le pouvoir. C'est des théories, celle de Sperber en est un exemple, même si on peut être sperberien avec ça, mais ça c'est une autre affaire. Les institutions et le pouvoir ont beaucoup de mal à être pensées en termes évolutionnistes. Parce que dans les modèles évolutionnistes, il y a des représentations, c'est le niveau cognitif. Et puis elles s'empilent comme ça. Et le pouvoir, c'est des représentations de représentations, mais ils ont beaucoup de mal à faire exister ontologiquement ces gros êtres que sont l'État, l'école, ou des choses comme ça. Ça. C'est très compliqué pour eux. Et le pouvoir, en général, ils ont beaucoup de mal parce qu'ils restent fondamentalement sur ce plan de choses qui se transmettent horizontalement d'individu à d'autre, qui sont identiques. C'est pour ça que cette anthropologie, elle est héritière de l'anthropologie classique, culturelle, au sens où il y a des représentations complexes chez l'être humain, etc. Donc elle n'est pas réductionniste en un sens. Mais elle redescend tout de suite à une psychologie aux sciences cognitives d'une manière assez sommaire. Et l'idée, c'est qu'en mettant l'interaction entre les deux, ça assouplit le lien et ça établit des connexions importantes entre les deux. Voilà, enfin, c'est un vœu pieux pour l'instant, mais je m'arrête pas. Merci Dominique pour cet exposé très passionnant. Et donc, les questions, les remarques. Moi j'en ai une, je vais commencer. Ce que j'ai trouvé qui manquait un peu dans ton exposé pour bien comprendre, c'est, enfin, pour l'histoire des chiens et de l'apprentissage assis. Ouais. C'est, mais comment pratiquement cet apprentissage opère? Alors, C'est-à-dire, parce qu'au fond, on se dit que, mais je ne sais pas, hein, je suis totalement ignorant de cette matière, mais on se dit que si c'est une forme de conditionnement, à base de sanctions et de récompenses, on peut avoir quelques doutes sur le fait que ce soit un apprentissage social. Donc, voilà, ce serait important quand même de savoir pratiquement comment ça se passe, cet apprentissage. Et là, dans ton exposé, ouais. Finalement, ça reste un peu... Non, c'est un point très important parce que... Mais c'est en même temps, la question, elle revient assez souvent, elle est intéressante cette question parce qu'elle montre que Pour moi, un processus de conditionnement, c'est social déjà. Je pense que c'est très social. Oui, mais alors là, mais attends, excuse-moi, il y a un autre point, c'est que ce social-là que tu emploies souvent, c'est un peu une boîte noire quand même. Mm-hmm. Voilà, tu dis c'est social, mais d'accord. Maintenant, mais on se dit, ben, ok, mais encore. Moi, je pars des éthologues, si tu veux, et c'est pour montrer qu'il y a un monde où il va falloir faire des distinctions, justement, dans tous ces comportements. Et ce social-là, il est extrêmement vaste, parce qu'ils n'ont pas une définition très précise. Mais tu peux faire toutes les distinctions que tu veux après, c'est-à-dire que peut-être on va découvrir que c'est que du conditionnement, que c'est un niveau faible du social. Mais bon, déjà, pour moi, le conditionnement, c'est jamais comme pensent les gens qui décrivent les choses en termes de conditionnement. Mmh. Il y a ça ne marche jamais comme ça, dit ça marche, le conditionnement, en fait. Y compris avec les chiens, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas du tout, d'autres choses qui marchent, donc il y a des choses qui sont plus prégnantes, il y a des choses qui dépendent de l'histoire de l'individu avec son chien, de ses capacités à lui apprendre, etc. Donc c'est le schéma behavioriste, en fait, c'est souvent un peu une fable, et ça ne marche jamais comme ça dans la réalité, y compris quand on parle de conditionnement. Ouais. Ça, c'est la première chose. Mais même si déjà on montrait que c'était juste ça socialement, ça me paraît déjà avoir peut-être que c'est le cas, mais ce serait intéressant d'aller voir, justement. Est-ce que, finalement, c'est ce niveau assez bas du social, mais auquel cas, ce serait déjà beaucoup plus important que, sur l'importance du social, que l'imitation, qui peut marcher sans qu'il y ait du social, d'ailleurs, à mon avis, dans un cas extrême. C'est la première réponse qu'on pourrait faire. Et puis, sur cette question de l'apprentissage, ce qui est intéressant sur Assis, c'est que les gens n'apprennent jamais à leur chien. Donc du point de vue humain, c'est intéressant parce que ça se fait, quoi. Avec le chien de compagnie, moi, j'ai jamais appris à mon chien à un moment à le... Ah oui. Donc, ouais, enfin, je pense que tous les gens qui ont des chiens... Je sais pas, j'ai jamais eu de chien, mais c'est pour ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça se fait vraiment dans la vie quotidienne. J'ai essayé ça avec c'est des gens... C'est pas un apprentissage formalisé. Non, pas du tout, dans des manuels et tout. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment la vie quotidienne qui produit ça, avec les chiens, en France en tout cas. Il y a des gens même qui m'ont dit « Ah non, le chien ne fait pas », puis moi je suis allé chez eux, je le fais, ils ne se rendent même plus compte. C'est là aussi qu'il y a une dimension sociale importante, c'est que ça a les caractéristiques de choses qui sont d'ordre du quotidien et que personne n'a appris, mais qui ressemblent à des sortes de... Alors ce n'est pas des normes au sens humain, encore faudrait voir en quel sens, mais qui sont des systèmes d'attente réciproque en tout cas qui existent, qui sont montés et qui répondent à quelque chose dans la tête du chien et de l'humain, je pense. Moi, j'avais un petit film sur lequel on essayait avec Chloé de décomposer, où il y a beaucoup de chiens comme ça. Mon chien, il avait une baie vitrée chez moi quand j'habitais en France, et quand il avait pris l'habitude de taper à la fenêtre, et je descendais lui ouvrir. Mais je ne lui ai jamais appris, moi, ça. Et il y a beaucoup de chiens qui font ça. Mais je ne lui ai jamais... Il n'y a pas eu de manuel, c'est un truc qui s'est fait... À quel niveau vous réintroduisez l'intentionnalité? Parce que le chien qui tape, il sait que tu vas venir... ouvrir. Non ? Alors, après, c'est ça qu'il faudrait creuser, c'est-à-dire que... Hein ? En tout cas... Pourquoi le ferait-il ? La question, c'est comment on décrit ça, d'abord. La question, c'est comment on décrit ça. Le refus de l'intentionnalité, comme l'insistance sur l'imitation, c'est quand même un processus très mécanique, l'imitation. Tel qu'il est décrit, encore une fois, dans ces recherches-là, oui, il est assez mécanique. Il est désocialisé, ouais. Dépraticisé, il est... Oui, dans la réalité. Donc, c'est pour éviter tout anthropocentrisme, mais qu'est-ce qu'on y gagne Je pense qu'il y a vraiment un problème conceptuel qui empêche certaines descriptions. Parce que c'est vraiment un. Mais ton chien qui frappe à la fenêtre, ouais. Tu ne te dis pas, tiens, il a l'intention de me faire venir. Après, toute la question est de savoir comment décrire ça. Si je me mets à la place d'un éthologue pour qui c'est important de faire très d'autant attention. D'autant plus que tu ne lui as jamais appris. Non, je ne lui ai jamais faire. Appris. Mais c'est très attention de décrire la chose de manière à ne pas faire d'hypothèses qui seraient lourdes sur l'esprit animal. Je vais dire, voilà, il y a un animal qui tape à une porte. L'humain s'attend à lui répondre. Est-ce qu'on gagne quelque chose dans l'analyse à refuser toute idée Non, je pense qu'est-ce pas. Qu'est-ce qu'on y gagne On n'y gagne rien. Après, c'est de quel type d'intentionnalité on parle. Parce que moi, je suis assez méfiant aussi... quand on écoute ce que les gens disent sur la fenêtre, excuse-moi, quand ils tapent à la fenêtre, qu'est-ce que tu fais alors? Moi, j'y pense même pas, mais moi je descends. Tu descends? J'aurais même le film, c'est dommage. J'ai dessus en haut, sur une de mes amies qui est chez moi, et elle tape à la fenêtre, elle regarde un peu. Moi je descends, comme un automate, c'est elle qui m'a dressé. C'est intéressant sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que... Non, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir au départ un simple effet du hasard? Le chien, t'as pas la parole. Et toi, tu l'interprètes comme une intention du chien. Mais moi, je fais souvent ça. Et tu descends, et après, bon, bah. Mais on fait souvent ça avec les humains aussi, très social. C'est là où le behaviorisme et l'intentionnalisme en fait se confondent, c'est-à-dire qu'en fait le hasard d'un mécanisme étant renforcé peut après être investi d'intention dans le cours de sa reproduction, quoi. Et du coup finalement Mais qui dresse qui oui, oui, oui. Mais donc du coup c'est qu'on voit que la question est moins pertinente qu'il y paraît en fait, c'est-à-dire que souvent on ramène à la genèse du comportement. Parce qu'on se dit, les chiens, ouais, mais il a appris. Moi-même, longtemps, j'ai dû lutter contre cette question. On est renvoyé sans cesse à ça, à l'origine du truc. Mais quand tu décris la chose pour ce qu'elle est, tu en vois plus l'étrangeté et l'originalité. C'est-à-dire, voilà, il y a un comportement qui est là, que je n'ai pas appris, qui s'est glissé dans l'interaction comme ça, de part et d'autre. Moi, je réponds comme un automate. Et ce qui est intéressant, c'est les réactions du chien. Si on regarde finement, parce qu'il y a une vitre où j'avais mis une caméra, et on voit que le chien, quand il me voit, il y a des manifestations sociales. Enfin là, pour le coup, on peut le dire sans prendre trop de risques. Même un éthologue le dirait. Il bat de la queue, son regard... tu vois, quand tu connais un peu les chiens, tu vois qu'il s'attendait à ça. En fait, on peut dire ça. Moi, je lui ouvre. Il y a un mécanisme quasi goffmanien de fermeture de l'interaction avec des félicitations. Ça peut repartir sur autre chose. Qu'est-ce qu'on gagnerait à vouloir absolument que ça ne soit pas des choses, qu'on relègue ça à nos interactions avec les objets, qui sont peut-être d'ailleurs pas si clairs que ça, évidemment. Voilà. La question après, c'est de savoir les décrire. Alors, nous, on essaie de les décrire, ça c'est autre chose. Effectivement, il y a des interactions assez longues, il y a de l'imprévisible, il y a une histoire commune, il y a tout ça. Donc, et après, essayer de voir ce qu'il faut retrancher pour dire en quoi c'est différent des humains. Alors, les choses qui font que c'est très différent. Mais c'est pas forcément des manques ou des parce qu'il y a des choses qui se développent plus comme les contacts tactiles, des choses parce qu'ils tiennent au fait que les chiens n'ont pas de mains aussi. Enfin, ça invite à caractériser ça en fait en soi et pour soi, en échappant aux questions. Mais finalement, est-ce que c'est mécanique ou pas, auquel on est ramené fatalement. Enfin, c'est quelque chose auquel on doit résister nous-mêmes. Est-ce que c'est intentionnel ou pas? Et effectivement, comme je dis, je pense qu'il y a un moment, faut dire. Il faut arrêter de se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête du chien, c'est peut-être pas si clair, et décrire la chose. Je peux me permettre pour rebondir sur qu'est-ce qu'on gagne. Moi, je pense que, bon, je connais rien en éthologie, hein, sauf peut-être quelque chose que j'ai lu quand j'étais adolescent. Mais en fait, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on perd? Mais bien sûr. Et du coup, en étant très cynique, ça me fait penser un peu au cours d'anthropologie que je suivais quand j'étais étudiant. Et une fois, j'ai eu des profs qui étaient vraiment anthropologues dans toute la splendeur. C'est-à-dire que s'ils ne constataient pas des différences absolues en étudiant une population, ils n'étaient pas contents. Donc la question du universalisme, ça ne se posait pas. Alors que, et l'origine de l'anthropologie est qu'elle revient par la porte, par le biais de l'anthropologie, de la globalisation. Alors toujours est-il qu'une fois, je me souviens, j'avais posé une question à un prof qui m'avait dit, ben, imaginez qu'on vous finance 10 ans pour aller étudier une population en Afrique ou ailleurs, et que vous revenez en disant finalement, ils sont peu comme nous. Bon, vous vous discréditez totalement, quoi. Alors, du coup, c'est la question de la spécificité de l'objet. Et l'anthropologie, de ce point de vue-là, et l'éthologie, ça fonctionne de cette façon-là. Pour pouvoir défendre une discipline, des approches, des concepts, une méthode, par exemple, la monographie chez les anthropologues, l'éthogramme chez les éthologues, on est obligé de poser une discontinuité, ou en tout cas, ne pas introduire des hypothèses lourdes qui, de ce point de vue-là, nous rapprochent trop des sciences sociales, par exemple. Tu vois, donc voilà, et c'est pour ça qu'ils peuvent, ils y vont un peu, ils peuvent avoir des métaphores comme société animale, social learning, mais pas forcément beaucoup plus loin, parce qu'à ce moment-là, on ne comprend plus quelle est la spécificité de leur discipline par rapport à des sciences humaines et sociales. Bon, alors c'est un peu... Mais ils ont aussi des bonnes raisons. Exactement, mais bien sûr. Et après, sur les côtés, leur point de vue, comme les anthropologues, ils ont aussi des bonnes raisons pour penser qu'il faut quand même imaginer que le monde n'est pas... Oui, bien sûr. Voilà. Ces concepts leur servent et sont pertinents pour autre chose. Exactement. Et d'ailleurs, on a vu que si on introduit des concepts qui sont typiquement humains, comme l'intentionnalité, peut-être faut-il attendre la naissance d'un Max Weber des sciences animales. Peut-être, j'en sais rien. Mais si on introduit ceci, on est obligé après d'avoir des hypothèses lourdes. Et eux, ils sont prêts, ils ne sont pas prêts. Ils ont relâché quand même dernièrement, sous l'influence des sciences cognitives, pas faire l'histoire de l'éthologie, mais sur l'intentionnalité. Ils ont beaucoup relâché sur la critique de l'intentionnalité. Peut-être même quelquefois, c'est un peu limite. Parce que cette influence des sciences cognitives a fait qu'on a été autorisé dans certaines questions, alors pas les questions de ce qu'ils ont dans la tête, mais à utiliser un vocabulaire chargé d'intentionnalité pour décrire ce qu'il faisait. Donc ça, c'est une mythologie cognitive. Mais par exemple, je ne comprends pas pourquoi on parle de stratégie de gène et qu'on va dénier toute intentionnalité à l'animal. Oh oui, non, mais eux, ils dénient pas l'intentionnalité. Ouais. Mais la question, justement, je disais justement à quel niveau. C'est pas à quel niveau, parce qu'il faut distinguer toutes les questions, la description du comportement. Et là, pour décrire, ils peuvent être assez souples. C'est-à-dire, ils peuvent utiliser altruisme, par exemple, même quelquefois très léger. Altruisme, ils peuvent utiliser. Fuir, c'est un terme sur lequel ils discutent beaucoup, par exemple. Parce que fuir, c'est chargé, hein, ça veut dire qu'il y a une fonction, etc. Alors, ils vont dire, c'est assez clairement établi, tu reprends les quatre questions fondamentales de Tony, pour la fonction du comportement, ils vont être d'accord. Pour l'explication des raisons pour lesquelles il a été sélectionné, ils vont être d'accord. Sur ce sur quoi ils ne vont pas lâcher encore les éthologues, et peut-être à juste titre, en tout cas c'est une prudence peut-être excessive, c'est attention, quand on parle de ces mots-là, ça ne veut pas dire que les mécanismes cérébraux, parce qu'ils ramènent ça chez l'animal, sont les mêmes que ceux qui se passent dans l'espèce humaine quand on emploie le même mot. Et que par conséquent, ils se ramènent là à ce qu'ils appellent le canon de Morgan, c'est-à-dire on doit toujours, pour expliquer, rendre compte d'un comportement animal, utiliser le mécanisme psychologique le plus faible, de la plus faible complexité qui permet d'expliquer. Mais ça s'est réduit juste à la description des processus mentaux. Sur les autres questions, ils se sont relâchés. Ce qui a permis de faire des découvertes quand même. Il y a eu des choses qui ont été intéressantes, qui ont été mises en évidence. Et les sciences sociales vont beaucoup trop vite en accordant de manière, comme on le voit, moi, je trouve, dans la sociologie, l'anthropologie latourienne, de manière sauvage, une attention aux animaux, juste en réhabilitant le sens commun. En fait, c'est ça. On réhabilite le sens commun humain, et on dit, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que les vaches ne rêveraient pas? Les doigts des animaux. Et du coup, il y a une espèce d'absence de retenue dans la description qui répond peut-être à une crispation excessive chez certains éthologues, mais qui ne donne pas des résultats empiriques très convaincants. Parce que c'est très anthropocentré. Moi, j'ai une question que je me suis posée pendant ton exposé, et en fait, je pense que tu y réponds dans la conclusion. C'est est-ce qu'il y a une des propriétés qu'il ne faudrait pas ajouter, qui est en fait une prémisse, mais qui du coup est une propriété cachée, c'est la condition de l'intraspécifique, quoi, et qui détermine, enfin, qui est implicite dans l'éthologie, c'est ça. Et qui du coup leur produit un. C'est ce que je voulais dire par éthogramme, quoi. C'est forcément intraspécifique. Mais ça, c'est un postulat. C'est même pas. Oui, voilà. Mais qui, du coup, devient une propriété qui fait que le modèle, pour un éthologue, ne peut pas fonctionner, alors même que. Ça coince, oui. On a des résistances qu'on va avoir, mais. Est-ce que, du coup, l'éthologue du silex décrit ça comme un usage culturel du chien plutôt que comme un trait culturel chez le chien? Parce que du coup, j'imagine que. Alors, ce qui était intéressant, c'est que. Et ça en dit long aussi sur les éthologues, c'est que pour eux. Mais ça rejoint d'ailleurs ta question. Et pourtant, ils sont éthologues, donc ils sont censés connaître les. Pour eux, et j'aurais jamais dit ça d'un éthologue qui a été habitué à du béhaviorisme, pour eux, il nous a dit, mais bon, le chien, il subit, il n'est pas actif. Et donc, c'est du training, il nous a dit en anglais. Et donc, du coup, il n'est pas actif et donc c'est passif. Si vous dites teaching, mais ça reste à démontrer, ça va. C'est étonnant de la part d'un éthologue, je trouve. C'est Whiteton, pour ne pas le nommer, le primatologue, qui nous a répondu ça, parce que Nicolas travaille avec. Et moi, c'était très intéressant comme dialogue, mais je trouve l'impression qu'il y a un truc qui coince et qui cherche les arguments. Et du coup, les arguments qui se donnent sont assez intéressants pour faire ressortir. Parce qu'après tout, moi, mais même du training. Je te disais, non seulement je pense que c'est déjà quelque chose minimalement social, parce qu'il ne faut pas se mordre et se sauter dessus, déjà c'est pas mal avec un loup, déjà il faut des conditions assez importantes, et en plus ça ne marche jamais comme c'est dit, je pense. Ça, c'est, Alors j'ai une question naïve, est-ce que ces éthologues ils sont intéressés par cette collaboration avec les sciences sociales? Bien, donc on a fait notre article, voilà, on l'a soumis à des gens avec qui ils travaillent, et on va essayer de le publier dans une revue d'éthologie. Il est prêt, là, on va l'envoyer. Alors, on l'a soumis à des éthologues. Parce qu'on veut avoir une version, moi, mon but, ben, c'est un vœu pieux, je ne sais pas du tout si ça marchera, mais de faire du vrai interdisciplinaire en publiant la version de cet argument dans des revues de sociologie américaine et dans des revues d'éthologie. C'est pas du tout gagné. C'est très ambitieux, mais bon, voilà, ce sera peut-être rien, voilà, du tout, je ne sais pas. Le même article. Non, parce qu'on s'est rendu compte que fallait pas formuler du tout les choses de la même façon. Parce que, ben, c'est ça qui est intéressant. Même si ça marche pas, moi, ça m'aura beaucoup servi parce que ben, on voit les différences de langage. Moi, je trouve ça passionnant. La discussion qu'on a eue avant avec les gens qui donnent des arguments, je trouve ça passionnant. Parce que ça m'éclaire sur pourquoi ça, c'est compliqué de faire jouer ça ensemble. Qui sont vraiment des questions, pour le coup, conceptuelles, des types de questions, des exemples que les gens ont qui font que ça coince. Et toi, ça a changé ta conception de concevoir le social, en fait, Ben oui, moi, alors, je me rends compte, mais ça c'est après, on est intéressé par, on voit plus que ce qu'on croit qui est important, mais ça, pour le dire simplement, ça a attiré l'attention sur le fait que, sur cette idée d'ajustement, en fait. Donc, plus on s'intéresse à des relations avec des êtres très différents, plus on se dit que ce qui est important, c'est pas tellement l'identité, et qu'il y a un biais là-dessus quand même en sciences sociales, y compris en sciences sociales, en anthropologie, c'est que les choses s'ajustent, et que des malentendus peuvent donner des ordres sociaux extrêmement stables. Parce que s'il fallait bien s'entendre pour avoir des ordres sociaux stables, c'est des conditions psychologiques exorbitantes. Il faudrait être sûr ce qu'il y a dans la tête des autres, ce qui est jamais le cas, ça ne marcherait pas. Donc du coup, je suis redevenu beaucoup plus sociologue que ce que j'étais avant, parce que je me suis dit, ah quand même, parce qu'on entend souvent les sociologues se dire, ah mais il y a le social. Alors moi, je ne sais pas trop ce que c'est, ou on dit qu'il y a comme un gros truc qui arrive au-dessus, aux listes. Mais là, j'ai le sentiment de me dire, ah ouais, il y a quand même quelque chose, parce que le social, ouais, c'est l'ajustement entre des choses différentes. La dimension du sens, hein. Quand il y a des choses qui sont dites, il y a un sens à ces choses. Ah, et ce sens est interprété. Donc c'est pas. Mais est-ce que justement. Enfin, alors, c'est la réduction là qui me gêne. Alors en fait, c'est pas une réduction, je pense, parce que du coup, tu peux revisiter la question du sens en te disant, enfin pas revisiter, hein, je suis pas prétentieux comme ça, mais me dire finalement, ce qui est important, c'est peut-être pas le sens. Quand on dit le sens partagé. Qu'est-ce qui est partagé? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que les deux sens... Non, mais tu vas jusqu'à dire que tu ne sais pas ce qui est dans la tête de Zidane, par exemple. Ah ouais, non, bah, j'aimerais bien. Je sais, si tu savais, j'aurais comme... Non, mais tu peux quand même avoir une idée de ce qui se passe dans sa tête. Ah oui, bien sûr. Quand il te dit quelque chose... Bien sûr, et je comprends, il y a quelque chose qui est partagé. Mais la question, c'est de savoir ce qui est partagé. Est-ce que le partage, c'est la même chose dans la tête ou c'est des... C'est pas forcément la même chose dans la tête. Mais c'est des attentes mutuelles qui sont compatibles. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça relâche la pression que fait peser la psychologie sur le sens partagé, je trouve. Parce que c'est qu'est-ce qui est partagé, tu vois. C'est un sens qui est partagé. Oui, un sens, mais c'est lequel, c'est à quel niveau. Est-ce que c'est la même norme qu'on accepte, par exemple, qu'on partage une norme, enfin que des gens s'ajustent dans une norme. Moi, je me dis que c'est assez marrant. On n'a pas besoin d'être semblable pour se comprendre. Mais on n'a même peut-être pas besoin. Enfin, ce qui est intéressant, c'est le malentendu. Parce que là, on n'est pas semblable, on est différent. Oui, c'est sûr, mais on ne sait jamais exactement ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un. Quand même. Oui, on se comprend. Je comprends, mais je ne sais pas ce que tu as vraiment dans ton intériorité. C'est ça. Mais c'est que ce n'est pas une condition nécessaire de partager quelque chose d'absolument identique pour se comprendre, en fait, c'est ça. Oui, mais ce qui me fait peur, c'est un peu ce que tu étudies chez le chien, etc. Tu le transposes au niveau du pouvoir, au niveau de... Non, c'est autre chose. Parce que ce que je veux dire, c'est que ces mécanismes-là, on peut les retrouver dans le pouvoir et ils sont sous-estimés, mais ça ne veut pas du tout dire le pouvoir chez l'être humain, ça ne s'explique pas par ça, quoi. Ça c'est clair. Non, parce que quelquefois dans tes formulations. Oui, non, mais parce qu'il faudrait redire aussi que ça, c'est pas la négation du fait que, même y compris d'un point de vue émotionniste, la culture humaine, c'est très particulier. Enfin, moi, je suis convaincu que la théorie de l'esprit, c'est important, que le fait qu'il y ait des attentes mutuelles, qu'on puisse penser que l'autre pense que, etc., ça reconfigure tout. Ça, j'en suis convaincu. Tu me rassures, Ah oui, non, mais ça rassurerait aussi les évolutionnistes, je pense, parce qu'ils sont. Mais simplement, pour comprendre les relations interspécifiques, il faut s'intéresser à un plan qui est caché par ça. Qu'on plaque un peu trop sur les animaux et qui est aussi important à d'autres niveaux sur l'espèce humaine, mais c'est pas du tout essentiel pour ça. C'est pas du tout de la prétention, c'est déjà suffisamment prétentieux notre de l'expliquer le pouvoir de l'espèce humaine avec ça. Non, pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes de l'Assemblée qui veulent intervenir ou poser des questions, Dominique? À la fois sur les interactions entre espèces, et ça rejoint un peu les discussions. J'ai l'impression que le cadre d'analyse, il va s'appliquer à énormément de cas d'interactions entre espèces, que ce soit le cas des lichens, les interactions entre les algues et les champignons, ou les interactions entre une pieuvre et des bactéries fluorescentes qui vivent à l'intérieur de la pieuvre. Toutes les interactions entre des espèces différentes qui sont non obligatoires, les deux espèces peuvent vivre séparément. vont entraîner des modifications de traits chez chacun des individus. J'ai l'impression que dans chacun des cas, on va pouvoir retrouver à peu près les mêmes caractéristiques que celles qui sont décrites. On peut vouloir étendre le modèle à ça, mais je pense que ce qui est important dans ce sujet, c'est que les interactions elles soient sociales. Parce qu'après, ça, ce serait des interactions physiques ou écologiques, quoi. Mais moi, ça ne me dérange pas. Ça le rend un peu plus mou, parce que ce qui est important, là, c'est que ce soit social. Mais bon, après, pourquoi pas. Mais bon, ce n'est pas ce qui est important, parce que là, c'est les compétences sociales et la capacité d'interagir socialement entre deux espèces, c'est ça qui est important. Il y a des raisons évolutives à ça, mais dans un monde où les espèces domestiques, où l'homme est arrivé, les espèces domestiques se sont développées, ça crée des choses qui sont... qui se démultiplient en raison de la transmission de choses culturelles. Souvent, dans les espèces comme le lichen, etc., ça a plus une base génétique. C'est des processus de sélection naturelle. Et la gamme ouverte aux variations est assez faible de ce point de vue-là. Dès qu'il y a des compétences sociales, ça commence à être assez large. Ouais. Mais ça repose quand même la question, encore une fois, de ce qui est social, y compris en biologie, parce que... dans les relations hôtes parasites, ouais. Avec modification du comportement sexuel ou reproductif, on retombe dans un truc de modification d'un comportement social. C'est ça. Mais pour le coup, le trait culturel est difficile à identifier. Mais ça rejoint ce que dit Olivier. Alors là, après, c'est vraiment des idées assez vagues. Après, ce qui est intéressant, c'est de ne pas dire c'est social ou pas, c'est de caractériser tout ce qu'on peut mettre derrière ce mot. Est-ce que c'est, comme on fait alors, les éthologues avec l'imitation? Est-ce que c'est un processus behavioriste? Est-ce qu'il y a autre chose? On peut faire toute une gradation de choses et de savoir pour quelle espèce, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Bon, on verra si ça marche. C'est on dit qu'on est fou. Ouais. Non. Ce sera une expérience de penser, en tout cas. Bien. Merci. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Merci à vous.